Je parle de rap man, comme un Batman. J'appelle le MC, façon Batman. Je décolle, oui mon boldy, bye bye à l'école. Les bons élèves me considèrent comme leur idole. Si tout pas du pop actuellement, je dégueule. Alors arrache avec tes baguettes et ta main. Les magazines, ceux de nos jours, elle est guidée. Le sens de nos textes, tous vidés. La machine Babylone est en train de nous guider. Décider, j'enclose la guerre pour la rider. Certains MC prennent le rap en otage. Mais ma voix, c'est comme un orage. Détruis tout sur mon passage comme Georges. Malgré que celui-ci me forge, je briserai bien sa gorge. C'est dommage que le hip-hop n'existe plus. C'est dommage que les MC soient des fétus. C'est dommage il y a tant de trop du cul. Mais moi j'appelle ça la fin de l'échec. C'est dommage que le hip-hop n'existe plus. C'est dommage que les MC soient des fétus. C'est dommage il y a tant de trop du cul. Mais moi j'appelle ça la fin de l'échec. Se faire la bise en guise d'amitié. Pas moi de bise de tir que j'ai liquidé. Pour les MC en talk, voici le MC en roro. Qui jouerait bien le bourreau, qui surinerait bien à l'aide d'un couteau. Ces MC pédophiles en guise de leur nom maîtrise. Aux assises, ce serait une remise. Donnez-moi please, visez tous, tétanisez, chifflez. Mes lyrics comme une giclée. De sang les salisses comme Jésus jadis. Des sacrifices j'ai fait pour le rap à Paris. Paris. Mais laisse-moi faire mes affaires, mes affaires. J'éclaire tes mecs vénères par mes vers. C'est dommage que le hip-hop n'existe plus. C'est dommage que les MC soient des fétus. C'est dommage qu'il y ait tant de trous du cul. Mais moi j'appelle ça la fin de l'échec. C'est dommage que le hip-hop n'existe plus. C'est dommage que les MC soient des fétus. C'est dommage qu'il y ait tant de trous du cul. Mais moi j'appelle ça la fin de l'échec. Je lève la masse, masse. Mais je viens dingue, voilà que je dédicace à Miguel et Christelle. À tout le M, à 3, à Sedor et Théor. À tous les mecs d'en bas, à Blackmo, à tous ceux qui pensent au mot. À Ousmane et Eva, ça c'est nos secours. Et si tu touches Aïe, Aïe, on te s'ouvre à la trousse. Et on te foutra la trousse. Le hip-hop n'est plus le même, on te juge à la dégaine. Même thème, même à tu te maintiens. Une ribambelle de mèche se prostitue. Nos coins de ma rue, on échange le rap en écu. C'est dommage que le hip-hop n'existe plus. C'est dommage que les MC soient des fétus. C'est dommage qu'il y ait tant de trous du cul. Mais moi j'appelle ça la fèche. C'est dommage que le hip-hop n'existe plus. C'est dommage que les MC soient des fétus. C'est dommage qu'il y ait tant de trous du cul. Mais moi j'appelle ça la fèche. C'est dommage que le hip-hop n'existe plus. C'est dommage que les MC soient des fétus. C'est dommage qu'il y ait tant de trous du cul. Mais moi j'appelle ça la fèche. Soit des fétus, c'est dommage qu'il y ait tant de trous du cul. Mais moi j'appelle ça.